Et le dernier va porter sur l'évangile essentiellement. Mais est-ce que vous allez bien ou? bien. Oui, parce que d'habitude, j'ai jamais entendu personne qui répond non à cette question de toute façon. Mais nous, on va vraiment bien. Puisque c'est devant Dieu qu'on répond qu'on va bien, donc on va bien. Et je vais lire le principe avant de commencer l'enseignement là-dessus. Mais avant de lire le principe, je vais lire ce qui précède. C'est la mission de l'Église et aussi la vision de l'Église, parce que les principes sont en fonction de la mission et de la vision. Ok, c'est bon? Donc la mission de l'Église, c'est par la puissance de Dieu et par l'action du Saint-Esprit en nous. Nous avons pour mission d'exalter le Père Céleste, d'édifier les disciples afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Jésus-Christ, exercer la miséricorde, entre parenthèses, la grâce, les uns envers les autres, et exposer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Exposer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. C'est la mission de l'Église. Et la vision que l'Église s'est donnée par rapport à tout ça, c'est engager avec Christ à bâtir aujourd'hui, son Église dans l'excellence. À bâtir aujourd'hui son Église dans l'excellence. C'est par rapport à ça qu'il y a eu des principes. Il y a eu 10 principes qui ont été écrits. Tous portent le mot ministère. Et le dernier de ces principes, c'est notre ministère envers les perdus. Donc c'est le 10e principe sur le tableau qui est affiché là-bas. Je vais lire ce principe. Notre ministère est envers les perdus. Ça vous dit quoi? Nous cherchons à rejoindre notre société avec l'évangile de Jésus-Christ par un témoignage personnel. Témoignage personnel et collectif à l'image de Jésus-Christ. Le témoignage personnel et collectif à l'image de Jésus-Christ. Nous démontrons pas l'amour de la vérité. Non, nous démontrons l'amour pour la vérité en étant intègre et authentique dans tout ce que nous faisons. C'est le 10e principe. C'est le principe que nous allons voir ce matin. Moi, personnellement, je vous présente mon ami Brice. Juste pour faire le lien, il vient avec nous dans la bergerie de Longueuil depuis peu de temps. Et c'est par la même porte que je suis entré dans cette église aussi, par la bergerie de Longueuil. Et j'ai fait des débuts timides, un tout petit peu comme lui aussi, un peu timide aussi. Et après ça, j'ai été baptisé ici, quelques temps après, non, un peu beaucoup de temps après. Ouais, 6 mois après, à peu près. Et après ça, les anciens m'ont invité au conseil comité pastoral élargi, l'EPE, et où j'ai trouvé un endroit propice pour apprendre à servir Dieu. Et c'était la première fois que je lisais ces principes parce que nous avions remis les statuts et règlements de l'Église. Moi, je ne les connaissais pas, je ne suis pas là quand les principes ont été écrits. Et ça me rappelait un verset dans les Écritures, hein, c'est Paul dans l'Épître aux Romains, là, chapitre 15, verset 25, où Paul dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et il le dit quelque part dans un épître Timothée, je ne sais plus lequel, mais il dit la même chose. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité le mort le 3e jour d'après mon évangile. Vous voyez avec quelle puissance Paul s'approprie l'évangile de Dieu. Les choses de sa grâce, les choses de son salut. Il en fait les siennes. Et c'est un peu dans le même esprit qu'on s'approprie ici le ministère envers le perdu. Seulement que Paul, c'est Paul, quand il s'est approprié de l'évangile, il s'est engagé. Non seulement il s'est engagé parce que du moment où on fait une telle déclaration, ça veut dire beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Michel en sait quelque chose un petit peu. tu en sais quelque chose puisque tu l'exerces, le ministère. Ça implique que le temps, moi j'étudie en gestion, on nous apprend beaucoup que le temps c'est l'argent. Ça implique que le temps ce n'est pas vraiment l'argent. Ça implique que le temps c'est soit l'été, soit l'hiver, c'est pas les vacances. C'est pas les amis, c'est pas la carrière, c'est pas les études. Mais pour Paul, selon l'épître aux Romains, le temps c'est la patience de Dieu. Et la patience de Dieu pour lui c'est pour le salut des âmes. Et donc, je vais lire avec vous l'épître aux Romains, le chapitre 10. Je vais commencer au verset 6 jusqu'au verset 15, si vous voulez bien. C'est bon? Paul dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel et qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche en tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est Michel qui m'a suggéré ce passage, et je le trouvais très à propos par rapport au thème de ce matin, parce que Paul parle ici de la justice de Dieu qui vient de la foi, et la justice qui est accessible à tous. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, juif, grec, parce que c'est le même Seigneur qui est bon pour tous. Mais Paul dit dans le verset 14, un peu plus loin, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils ne peuvent pas croire s'ils n'ont pas entendu l'Évangile. Et plus bas encore, il dira, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça fait... Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que tout le monde a entendu l'Évangile autour de nous? Non, hein? Et pourtant, ils en ont tous une idée. Souvent, ça arrive qu'on on parle avec des gens, ils ont fait des cours de catéchèse à l'école. Ils ont vu des films. Ils ont lu probablement la Bible une fois dans leur vie. Et ils se font une idée par rapport à l'Évangile sur la base de ces choses-là. Mais l'enseignement dit ici que il faut qu'ils entendent une prédication. Il faut qu'ils entendent, pas qu'ils lisent quelque part quelque chose ou qu'ils suivent un cours de catéchèse ou qu'ils regardent un film. Il faut qu'ils entendent une prédication. Et pour qu'ils puissent l'entendre, il faut que quelqu'un prêche. Absolument un prédicateur. Souvent, on travaille un peu souvent sur le campus avec les étudiants. Quand on rencontre un étudiant et qu'il se montre intéressé à l'Évangile, on lui donne soit l'Évangile de Jean, soit l'Évangile de Luc. Il va lire. Il revient 7 jours plus tard pour en parler. Et c'est souvent frappant la manière dont ils lisent, pour ceux qu'ils veulent lire, mais sans leur dire rien, jusqu'à ce qu'on ne leur répète pas par la bouche les mêmes choses. Il faut absolument que quelqu'un s'assoie avec lui, que quelqu'un lui parle et que quelqu'un l'enseigne les choses qu'il a lues. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut qu'il y ait des prédicateurs qui sont envoyés de Dieu. Envoyés de Dieu. Et effectivement, ce matin, c'est de ça que nous allons parler. Ma prédication, ça ne sera pas très long. Et dans un premier temps, je vais vous parler de la prédication par le témoignage personnel, selon ce qui est écrit dans le statut, dans le principe. Je vais vous parler en plus du témoignage collectif. Mais le témoignage collectif comme étant l'expression de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu s'exprime dans l'Église. Et en dernier lieu, je vais vous parler du témoignage... excuse-moi. Ça, c'est le dernier point. C'est le témoignage collectif. Mais avant ça, je vais vous parler du cœur du serviteur de Dieu. Quel cœur ça prend pour être un bon témoin de Jésus-Christ auprès de ceux qui nous entourent. Donc, pour commencer mon premier point... Je vais lire avec vous l'évangile de Marc, un passage que vous connaissez très bien. Il est un peu long, mais c'est nécessaire de le lire un peu. C'est Marc. Marc au chapitre 5, à partir du verset 2. Le problème, c'est que je commence l'histoire un peu au milieu parce que c'est un peu long de lire toute l'histoire. Donc, juste ce qui précède, vous connaissez l'histoire, Jésus est dans la barque. Et puis, il y a un gros vent qui s'élève. Les disciples ont peur parce qu'ils ont peur de se noyer dans l'eau. Un peu ce qui nous arrive souvent dans la vie aussi. Qu'il y a des vents et on a peur de se noyer. En même temps, on a l'impression que le Seigneur dort peut-être et qu'il ne nous entend vraiment pas. Donc, ils vont le réveiller précipitamment. Et il va se réveiller. Ils vont arriver au bord. Donc, moi, je vais commencer au niveau du bord, pas au niveau de la barque. Ah, je ne l'ai pas pris moi-même. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Chapitre 5, verset 2 de l'évangile de Marc. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vont devant lui un homme. Un homme étant sorti des sépulcres. Et cet homme avait la demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car, souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ce qui les faisait perdre s'enfuit et répandait la nouvelle dans les villes, et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le virent. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Le verset 18, c'est là où commence mon point. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, témoignage personnel, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans toute la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Moi, dans ce passage, moi, quand je l'ai lu la première fois, je trouvais Jésus très bizarre dans ce passage. Pour une fois, quelqu'un veut le suivre, il ne lui permet pas. D'habitude, il dit aux gens de le suivre. Maintenant, il ne lui permet pas. Et je trouvais ça étrange. Comment ça, je veux aller avec lui, Jésus? Des fois, j'ai l'impression que t'es vraiment bizarre. Mais ce que Jésus lui dit, en fait, ce que cet homme dit à Jésus, c'est « Je veux te servir. Je veux venir après toi. Je veux te suivre. » Et ce que Jésus lui dit, mais c'est ok, tu vas me servir. Mais pas de la façon dont tu le proposes. Pas comment tu le veux. Mais comment moi je le veux. Tu veux peut-être venir avec moi de village en village, de ville en ville, annoncer l'évangile. Mais c'est pas ton don parce que il y a des hommes mis à part pour ça. Qui sont envoyés expressément pour ça. Mais toi, ce que je veux de toi, voici, d'aller auprès des tiens et d'annoncer l'évangile. Mais c'est un homme, j'ai pris cet exemple parce que c'est un homme qui était beaucoup tourmenté, comme la plupart d'entre nous ici avant de connaître la même délivrance. C'est un homme qui était dans des liens très forts du Satan. C'est un homme qui était brisé à l'intérieur de lui. C'est un homme qui se meurtrissait. Il se frappait avec des pierres. Et tout le monde avait peur de lui. Et c'est un homme totalement mis à l'écart de la société. Mais il arrive qu'à un moment donné de sa vie, il va connaître la délivrance. Et il va connaître la délivrance parce qu'il va rencontrer Jésus quelque part dans sa vie. Et ayant connu la délivrance, il va vivre, je vais vous lire un passage qui exprime ça très bien dans l'évangile de Luc, mais je vais juste vous le lire, je l'ai devant moi. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. Et c'est en ce moment-là ce que cet homme vit là. Il est renvoyé libre. Il a dans son cœur une année de grâce qui est publiée pour lui. Et ayant connu cette grâce, cette délivrance, il s'empresse parce qu'il veut servir, parce qu'il veut partager. Parce que il veut plus se séparer de Jésus. Il veut continuer de marcher avec lui dans cette grâce-là. Mais Jésus lui dit, Jésus l'ayant envoyé auprès des siens pour un témoignage de ce qui lui est arrivé, un témoignage personnel, il ne va pas aller seulement auprès des siens. Il va s'arrêter dans tout le pays, dans toute la décapole. Parce qu'il estime grande la grâce de Dieu et qu'il a envie de la partager avec un plus grand nombre. Mais quand il va partir là, bien sûr qu'il est dans la joie, mais il a une intention bien précise. Il a l'intention d'aller témoigner auprès des siens. Ça nous arrive, ça arrive souvent qu'on se déplace comme ça parce que on veut aller partager quelque chose avec quelqu'un, mais moi, personnellement, je vais me cacher devant, je vais demander est-ce qu'on va prendre un café ou est-ce qu'on va, essayer de se voir et quand on se sera vu, je vais chercher une occasion de te parler de Dieu. Mais lui, le monsieur, c'est pas ça la manière dont il va procéder. Il va aller intentionnellement, pas pour prendre un café, mais pour parler de Dieu, intentionnellement pour parler de Dieu. Parce que si quelqu'un m'appelle pour savoir, Michel, comment tu vas? Je vais te dire que si ça t'intéresse vraiment, viens, on se voit et puis je vais te dire comment ce que j'ai vécu avec Dieu ces derniers jours, ces dernières années, ces derniers mois. Parce que tu veux savoir comment je vais, c'est comme ça que je vais. Comment je vais, c'est en Jésus-Christ que je vais. Donc, si tu veux savoir comment je vais, on se voit et je viens avec l'intention bien précise de te parler de ce que Dieu a fait pour moi. Sans crainte, sans aucune honte. C'est ça le témoignage personnel que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a attendu. Mais le témoignage personnel, on peut multiplier des exemples dans la Bible, c'est pas ça le but. Le témoignage personnel, c'est ce qu'il est décrit dans le livre de Tite. Je vais vous lire ce que dit Paul dans l'épître. Dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 3. Paul dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous tous, sans exception, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est ce que nous étions avant. Mais à un moment donné de la vie, nous avons connu la même délivrance que cet homme-là, la même année de grâce dont le Seigneur parle, qu'il publie, a été publiée dans nos cœurs aussi. La même proclamation de liberté a été faite pour nous. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes appelés individuellement, chacun, à rendre témoignage des choses qu'il a vécues avec le Seigneur. C'est un peu comme, mais il faut l'avoir vécu, comme dans l'évangile de Jean aussi. Vous avez l'aveugle, un homme qui est né aveugle. Et c'est au chapitre 9. À un moment donné, il va faire la rencontre de Jésus dans sa vie. Et il va connaître une guérison, il va connaître une délivrance. Dans la suite de l'épître, il arrive quelque part. Ses voisins le voient et ne le reconnaissent plus. Ses voisins disent, mais est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment toi qui mendiais ou c'est juste une ressemblance? Et il répond, c'est moi. Au contraire, c'est plutôt vous les aveugles parce que vous ne savez pas voir la grâce de Dieu. C'est moi qui mendiais avant. C'est moi qui étais ici avant. C'est ça que Dieu veut de nous. Parce que je ne peux pas rendre ce témoignage si je n'ai pas connu cette délivrance. Parce que quand je vais m'asseoir avec mon ami, avec l'intention, la bonne intention qui vient de Dieu, de lui parler de l'Évangile, il faut qu'il observe ce changement-là. Qu'il dise, moi je te connaissais avant, mais est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Parce qu'avant, tu ne partageais pas les choses que tu vis, Michel, mais maintenant tu parles. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu peux m'expliquer? Si on n'a pas ce changement manifeste, on ne peut pas rendre témoignage, comme Dieu le demande. C'est bon? Michel, je peux dire quelque chose? Oui. Dans le passage dans Matthieu, ça dit, Matthieu 8, 28, il dit que personne, qu'il était si curieux que personne n'osait passer, ou personne n'osait auparavant. C'est une réflexion. Puis aussi, quand il va dans la Décapole, un peu plus tard. Est-ce que y a des obstacles que le Seigneur brise pour qu'on puisse annoncer son évangile? Et là où ça paraissait impossible, parce qu'il y avait un homme extrêmement violent, un peu comme Christian aussi, il est des fois violent quand on travaille sur son béton chez lui. Mais il brise des fers. Hier, on en a percé des fers. Il y avait des obstacles sur le chemin. Et Jésus-Christ a brisé les obstacles pour que nous, on puisse aller. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on est revêtu de la même puissance pour briser tous les obstacles, peu importe qui est sur notre chemin pour annoncer l'Évangile. Et mon deuxième point par rapport à ça, c'est effectivement le cœur du serviteur. Tout à l'heure, je vous parlais de la transformation de la vie, de nos vies, pour qu'on puisse être un témoignage puissant. Mais une fois que la transformation est faite, il y a des choses qui sont manifestes dans les cœurs de ceux qui annoncent l'Évangile. Et j'ai regardé ce que j'ai pu voir, c'est quelques qualités qui reviennent tout le temps. C'est que les serviteurs de Dieu sont des hommes disponibles dans leur cœur. Je lisais le livre des Actes quand je préparais cet enseignement. Je voyais Pierre qui arrive à Jopé. Il va ressusciter une madame là-bas qui s'appelle Tabitha. Et il y a des hommes qui vont arriver pour le chercher parce qu'il doit aller à Césarée à la rencontre de Corneille. Et il prend 6 hommes avec lui. J'étais étonné parce que... Bon, Pierre, tu les as pas trouvés à ne rien faire. Ils ont des vies, ils ont des fiancés ou des femmes, je sais pas quoi, moi, ils ont des héritages. Mais Pierre arrive, il fait 2 ou 3 jours, il s'en va et ces hommes sont disponibles pour le suivre. C'est comme, comment ils font pour avoir cette disponibilité pour Dieu? C'est la même chose avec Pierre, avec Paul, pardon. Lorsque l'église de Jérusalem va envoyer Barnabas à Antioche, parce que l'église d'Antioche venait de naître, après la persécution survenue à la mort d'Étienne, Barnabas va rester 3 jours, priant avec eux, glorifiant Dieu, il s'en va à Tarse, il va chercher Paul. Et Paul, immédiatement, la parole dit, il prie Paul avec lui. C'est, quand on prend, c'est quelque chose qui attendait juste ça, en ce moment-là. Il prit Paul avec lui, il s'en alla avec lui à Antioche. Ils vont rester là-bas pendant 1 an. Timothée aussi. Paul le trouve quelque part, j'ai oublié dans quelle église. Il va se rendre disponible. Paul le prend avec lui, Paul s'en va avec lui. Et même il va se faire circoncis. Vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que c'est la circoncision à cet âge-là. C'est très, très, très déconfortable. Chez nous, c'était aux alentours de ça, là, 8, 10, 9, 12 ans. C'est... Quand j'ai lu ça, je n'y revenais pas. Il va accepter de se faire circonscrire, ce gars-là, pour ne pas être un obstacle à la foi des Juifs. Il est disponible jusqu'au sang pour la prédication de l'Évangile. Mais en plus d'être disponible... Excusez-moi. En plus d'être disponible, ce sont des hommes qui ont un cœur libre. Ils sont libérés, ils servent Dieu librement. Parce que des fois, moi, quand je faisais mes cours de droit, je faisais un peu le droit des affaires. On traitait de toutes sortes de sujets là-dedans et puis on nous enseignait la liberté d'une certaine manière. C'était pour nous la définition telle qu'elle est marquée dans tous les textes de droit. C'est que j'ai le droit de faire ce que je veux, tant et aussi longtemps que je n'embête pas le voisin. Je ne dérange pas le voisin. C'est ça la liberté d'après ce que le monde peut nous enseigner. Mais quand je dis qu'ils sont libres, c'est pas ça. C'est qu'ils sont, Jésus-Christ nous enseigne qu'être libre, c'est être libéré du péché. Ce sont des hommes qui sont libérés du péché. Ce sont les hommes qui vivent une sainteté, une pureté qui se voit absolument dans leurs œuvres, dans leur engagement. Et c'est ce qu'enseigne le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il va faire une prophétie après qu'il va retrouver la vue pendant quelque temps d'aveuglement. Pardon? Il va? La langue. C'est ça. Il va retrouver la langue. Et il va dire une déclaration très forte. Que c'est ici le sauveur que Dieu nous a promis. Pour nous libérer de la main de nos ennemis. Pour lui, la liberté, c'est nous libérer du péché. Pourquoi? Afin de le servir sans crainte dans la sainteté et dans la justice. Servir Dieu sans crainte, ça prend d'être libre. Libre à l'égard du péché. Libre à l'égard de la pression du monde, libre à l'égard de la honte, libre à l'égard de la timidité, libre à l'égard de nos familles, peu importe qui c'est, femme, enfant, père, mère, beau-père, beau-enfant, beau-fils, je sais pas trop, mais il faut être libre. Et les prédicateurs de l'Évangile sont des hommes libres, parce qu'ils sont libérés du péché. Un autre point qui nous touche un peu plus souvent par rapport à ça, c'est que ces hommes, ce sont des hommes corrigibles. Ce sont des hommes à qui on peut enseigner. Et ce sont des hommes répréhensibles, selon le terme que l'Église, l'apôtre Paul utilise. C'est le cas de Pierre, par exemple. Moi, des fois, ça m'arrivait souvent. Quand quelqu'un veut m'enseigner particulièrement, et surtout s'il est jeune, ça arrive sur le campus, t'es qui toi? Parce que tu viens à peine de te convertir. Pourquoi tu... T'es qui toi pour vouloir m'enseigner? Ça fait longtemps que moi je suis dans le Seigneur. Que je suis baptisé. Pas un an, pas longtemps. Mais pour lui, ça fait longtemps. Que je suis baptisé. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et puis, j'ai une très bonne relation avec Dieu. Une grande intimité avec Dieu. Je prie profondément chez moi, je lis ma Bible, je médite, je demande des signes à Dieu, il me les donne, et j'ai vraiment pas besoin que tu me racontes ce que tu me racontes. Mais la question dans les Écritures, c'est, est-ce que Pierre, lui aussi, il aime Dieu? Il aime Dieu. Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il est considéré parmi les apôtres? Disent que c'est un pilier, lui et Jean et Jacques. Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il a une forte intimité avec Dieu? Est-ce qu'il a un cœur ouvert à l'égard de Dieu? Mais est-ce que Pierre est répréhensible? Est-ce qu'on peut le corriger, Pierre? Est-ce qu'il a besoin des autres? C'est ça la question. Bien sûr qu'il a besoin des autres. On peut multiplier les exemples. David, c'est la même chose. Dieu dit à Nathan, va voir David. David, il a une intimité avec Dieu. Il me semble, parce que c'est vrai, il a une intimité avec Dieu. Mais il a fallu que Dieu envoie Nathan le voir. Va voir David. Samuel, chapitre 12, verset 1. Et l'Éternel dit à Nathan, va voir David. Donc, ce sont des hommes qui ont un cœur disposé à apprendre les uns des autres. C'est bon? Je pense que j'ai perdu mes notes. Hein? Non, mais c'est pas vrai. Je vais les retrouver. Et la question que je me posais par rapport à l'exemple de Pierre, c'est, est-ce que vous imaginez le témoignage qu'il aurait donné à l'Église s'il résistait à la répréhension de Paul? Personne aujourd'hui n'accepterait de se faire reprendre parce que Pierre n'a pas accepté de se faire reprendre. Parce que c'est un modèle. Être un modèle, c'est la promesse la plus difficile à tenir dans la vie. Être un modèle à suivre, c'est très difficile. Il faut l'exercer, ce ministère, avec beaucoup de sagesse de Dieu. Et si Pierre refusait d'être repris par Paul, Paul qui est plus jeune que lui dans la foi, Paul qui n'a même pas marché avec Christ, Paul qui a persécuté l'Église, Paul qui était un méchant parmi les méchants, c'est lui qui va reprendre l'apôtre Pierre. Donc c'est un témoignage puissant pour l'Église tout entière. Et la question que je me posais par rapport à ça, c'est est-ce que nous, toi et moi, est-ce que moi je suis disponible comme eux? Ou est-ce que je suis obéissant comme eux? Parce que l'obéissance dont parlait Michel tout à l'heure, que j'ai oublié de mentionner, c'est que Jésus-Christ va dire à cet homme, va auprès des tiens et il ne va pas poser des résistances. Il dit aux disciples, je ne sais pas combien ils étaient lorsqu'il est monté au ciel, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a aucun d'eux qui va poser des résistances. Ils obéissent. Et la même chose nous est demandée, puisque nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ce n'était pas demandé à eux, c'est demandé à nous. Mais nous avons beaucoup de résistance. Mais eux, ils étaient obéissants. La question c'est, est-ce que nous avons un cœur obéissant pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes répréhensibles? Moi, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Mais il faut l'être en tout temps. C'est ça qu'on appelle veiller. Quand tu dis veiller, c'est être prêt à recevoir les blessures des amis pour grandir dans la foi. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous, je suis pris par beaucoup de projets, beaucoup de carrières, beaucoup d'études, comme mon ami Brice? Ou par beaucoup de, je ne sais pas quoi, des travaux, ou la femme, les enfants, les ci, les ça. Est-ce que nous sommes libres vraiment pour Dieu? Paul, c'est quelqu'un qui aime beaucoup nous pousser souvent. Il a une telle force quand il parle que, dans l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. C'est Dieu. Ah. Ça, c'est l'ancienneté. L'ancien, excusez-moi. Deux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Excusez-moi. Il dit, examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Pourquoi c'est important de vraiment s'examiner, de savoir si on est dans la foi? C'est pour savoir si on est disponible, obéissant, répréhensible, libre. Parce que si on ne l'est pas, on ne peut pas être un témoignage pour Jésus-Christ. Il faut s'examiner soi-même. Mais s'examiner soi-même, concrètement, ça veut dire quoi? S'éprouver soi-même, comment on fait ça? Parce qu'on ne peut pas s'éprouver à l'extérieur de l'Église. Et on ne peut pas s'examiner quand on est seul, c'est impossible. S'examiner soi-même, ça se passe dans l'Église. Et ça va être, je vous ai promis, ça ne sera pas long. Ça va être mon dernier point. Et des fois, ça arrive que dans la vie, j'ai beaucoup de projets aussi. Et quand je veux savoir ce qu'il en est de mes projets, je vais me consulter dans mon homme intérieur, la petite voix intérieure. Ce qui arrive souvent, c'est que Dieu peut parler par cette petite voix-là. C'est ma voix, Dieu l'utilise pour me parler. Mais aussi le diable l'utilise la même voix pour me parler. Et mon orgueil utilise aussi la même voix pour me parler. Si Dieu il pouvait utiliser quelque chose de différent, ça serait facile de reconnaître quand c'est lui qui parle. Mais quand la voix me parle, je ne sais vraiment pas c'est qui. Mais pour savoir c'est qui, il faut que je confronte ça devant la parole de Dieu. Et je vais lire avec vous, pour commencer mon troisième point, je vais lire avec vous un passage dans le Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, c'est pas long. Ça arrive souvent que quand on prie ensemble dans les campus, des étudiants, des frères avec qui on travaille là-bas, prient en disant Seigneur, on oublie parfois de te remercier pour les plus petites choses. Mais c'est pas bon, il faut te remercier même pour les plus petites choses. Et quand on travaille ensemble pour s'exhorter, ça arrive qu'on demande, mais en fait, c'est quoi les plus petites choses? Ça ne sert à rien une prière vague. C'est quoi les petites choses? Et ils disent, une journée ensoleillée, par exemple. c'est pas vraiment une petite chose. Parce que toi et moi, on ne peut pas créer le soleil, on ne peut pas faire lever le soleil. Quand Dieu a fait ces choses-là, c'est pour qu'on voit sa sagesse là-dedans, c'est pour qu'on voit sa puissance. C'est quelque chose qui est très loin, et comment ça se fait que nous, on peut bénéficier de sa lumière à une distance inexplicable, inestimable. Donc c'est des choses que Dieu a mis, comme le dit l'Épître aux Romains, pour montrer ses perfections invisibles. Mais ça arrive aussi que c'est là-dedans exclusivement qu'on voit la sagesse de Dieu. Dans les beaux paysages et dans les... En Afrique, on en a de toutes sortes de créatures, d'insectes, de ci, de ça. On mange la plupart, mais les autres ne mangent pas. Mais c'est une grande diversité. Et tout le monde consent pour dire qu'il y a une très grande sagesse de Dieu là-dedans. Mais ce qui est remarquable dans le livre aux Éphésiens, le chapitre 3, c'est que les esprits, eux, voient la sagesse de Dieu ailleurs que dans la créature, dans la création. Ils la voient dans l'Église. Ils la voient, la sagesse, dans la spiritualité. Nous, on la voit avec les yeux charnels. C'est un peu normal. Mais nous sommes appelés à être spirituels. Et il la voit dans l'Église. Et je vais lire ça un peu dans le... J'avais dit... Ouais. Hein? Éphésiens 3. Je vais commencer au verset 8. Jusqu'à 10, c'est pas long. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ma petite voix intérieure. Des fois, quand elle me propose des choses, il faut que ces choses soient en harmonie avec la sagesse de Dieu, qui est dans l'Église, pas dans la création. En Afrique, on est très en harmonie avec la nature. Mais c'est pas ça. C'est pas cette sagesse-là. Il faut que mon homme soit en harmonie avec la sagesse de Dieu extrêmement diversifiée et manifeste dans l'Église. Il faut pas qu'il aille dans le sens opposé. Sinon, c'est pas Dieu qui me parle. C'est pour introduire mon troisième point que je vous parle de ça, mais le point, c'est l'Église, nous, les témoignages collectifs, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que je vous parlais de la sagesse de Dieu dans Éphésiens, mais mon point principal, il est dans l'Épître de Jacques. Ouais, c'est ça, l'Épître de Jacques. Jacques 13. Jacques 3, verset 13, pardon. T'as réussi les tests, Daniel. Il n'y a que toi qui as réussi. Ah, c'est Manon? Ah, ça allait m'étonner que ce soit toi. C'est Manon. Je peux le lire? Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par de bonnes conduites avec la douceur de la sagesse? La sagesse de Dieu, c'est dans la conduite. En harmonie avec l'Église. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point de Dieu qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, la petite voix qui n'est pas en harmonie avec l'Église. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Moi, c'est le verset 17 qui m'intéresse le plus. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça, c'est pas surprenant. Elle est ensuite pacifique. C'est un peu normal. Modérée. C'est compréhensible, conciliante. Est-ce que vous avez des synonymes du mot conciliant? Accommodant. Se faire tout à tous. Cherche la paix. Dépourvu d'orgueil. Tout ça est vrai. En français courant, ça veut dire tenir compte des autres. Prendre en considération les autres. Quand j'ai un projet, une idée, peu importe lequel projet, peu importe quelle idée, et que je veux m'assurer que je m'éprouve pour savoir si je suis vraiment dans la foi, et que je veux m'assurer que mon idée, mon projet est conforme à la sagesse de Dieu, il faut qu'elle soit conciliante. Conciliante, c'est pas moi qui décide de ce qui est conciliant. Pour savoir ce qui est conciliant, je dois consulter. Il faut que je consulte les autres. Je ne peux pas dire que c'est conciliant pour Gilles, si je n'ai pas demandé à Gilles si c'est conciliant. Donc, la sagesse de Dieu qui est manifeste selon les autorités, les dominations du ciel, qui la voit dans l'Église, elle est conciliante. S'il n'y a pas de conciliation, il ne voit pas la sagesse en nous. Il ne voit pas la gloire de la gloire de Dieu et la manifestation de sa sagesse dans notre conduite. L'Épître va continuer. Après conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Si elle n'est pas conciliante, les autres aspects, c'est vain. Hein? Elle peut être pure ni modérée si elle n'est pas conciliante. Conciliante, c'est au centre. Les autres gravitent autour. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Pourquoi l'Évangile vient dans le verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui recherchent la paix, c'est ceux qui marchent dans la conciliation. Et c'est de là que vient le témoignage. Quand nous sommes conciliants, je vais vous le montrer tout à l'heure avec l'église d'Antioche. C'est quand nous sommes conciliants, c'est-à-dire consulter avant de décider, avant de... Moi, c'est pas du tout pratique de venir à l'église à Saint-Hilaire, je suis un peu loin. Mais je voulais absolument m'investir un peu plus à Montréal. Et je l'aurais fait. Ce qui m'a retenu, c'est qu'il fallait que je consulte et que je prenne le monsieur avec qui est l'un des dirigeants de l'église où je voulais aller pour le faire en soi avec un des anciens ici, à défaut de pouvoir les unir tous. Si ça dépendait de moi, c'est tellement... où j'habitais à Montréal, il y a au moins 10 églises autour de moi. Mais ayant été impliqué ici, et que je décide de partir, il faut que ça soit conciliant. Sinon, c'est pas la sagesse de Dieu. Et je vais vous prendre un exemple. C'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous souvenez dans le livre des Actes d'un homme appelé Ananias et sa femme Saphira? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, il a menti au Saint-Esprit. Et ils étaient sages, humainement parlant. Ils ont usé des préventions, Saphira et sa femme. Ils ont vendu un champ et gardé une moitié du prix. C'est normal de se faire une sécurité financière, de se garder une marge de manœuvre, de se garder une certaine intimité dans ma vie à laquelle l'Église n'a pas accès. Humainement parlant, c'est ça. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas été conciliants. Ils n'ont pas demandé aux autres, est-ce que vous pensez qu'on devrait garder un peu du prix du champ? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Donc, quand on n'est pas conciliant, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est comme eux, on est engagé à l'Église. Ils ont vendu un champ, c'est pour l'Église, c'était pas pour, ils ont pas gardé tous les prix. On est engagé, on va à l'Église, mais on va toujours chercher à garder une poche d'intimité inaccessible par l'Église, comme ils l'ont fait. Une zone d'ombre. une zone où eux seuls ont le contrôle. Pourquoi? Parce que là-dessus, ils ne veulent pas de conseils. Ils ne veulent pas consulter, ils veulent gérer ça comme ils veulent. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit... Moi, des fois, avant de dormir, ça fait longtemps, je n'ai pas lu la Bible, je dis, Seigneur, demain matin, je me lève à 6h, je la lis, et quand mon réveil sonne, je l'éteins. J'ai menti au Saint-Esprit pareil, mais je suis jamais mort. Je ne le lis pas. Mais eux, c'est que Dieu, c'est pas que Dieu montre que si tu désobéis, il te tue ou il t'enlève la vie. Le point, c'est quand tu n'es pas conciliant, il va t'exclure du projet de l'Église. Les projets qu'il avait avec l'Église de Jérusalem, il les a enlevés la vie pour les exclure de ce projet-là. Parce qu'ils ne méritaient pas d'être persécutés, d'être dispersés, d'être parmi ceux qui vont être dispersés pour annoncer l'Évangile, quand survenait la persécution, après la mort d'Étienne, il va les exclure de ce projet qu'il avait avec l'Église. Pourquoi? Parce que les témoignages qu'ils ont n'est pas collectif. Collectif. C'est pour ça que Dieu va les exclure de l'Église. Et le point que je faisais avec ça, j'ai parlé sans regarder mes notes, désolé. Le point que je voulais faire avec ce témoignage-là, de ce mauvais témoignage, c'est que si nous ne sommes pas conciliants, la sagesse de Dieu n'est pas manifeste dans nos vies. Et si la sagesse de Dieu n'est pas manifeste dans nos vies, elle ne sera pas en collectivité. Et si elle n'est pas en collectivité, nous ne pouvons pas rendre les témoignages collectifs qui est écrit dans le principe numéro 10 de ce matin. Ça ne marchera pas, les témoignages collectifs. Et je me souviens du livre des Actes, juste parce que je l'ai lu pour la prédication. Est-ce que vous vous souvenez de qui a fondé l'église d'Antioche? Des croyants de Jérusalem, persécutés après la mort d'Étienne, c'est eux qui ont fondé l'église d'Antioche. Qu'est-ce qui est écrit de cette église par rapport au nom qu'ils nous ont donné comme... je vous donne la réponse. Des chrétiens. Et pourquoi ils ont appelé chrétiens? À cause du témoignage. Et ce témoignage, d'où ils l'ont appris? Christian a dit de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris à Jérusalem? Vous le savez tous. Je ne veux pas juste vous lire les choses que vous savez déjà. Je veux juste les commenter un tout petit peu. Ils ont appris à Jérusalem la première chose à laquelle ils ont appris à persévérer, c'était laquelle? C'est ça. Après. Avant, je vais vous donner le verset de toute façon. Ils ont appris à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Après, vient la persévérance dans la communion fraternelle, la fraction du pain, etc. Ils mangeaient ensemble avec simplicité des cœurs et ils étaient approuvés du peuple. Le peuple leur rendait un bon témoignage. C'est cette sagesse-là qu'ils ont appris à l'église de Jérusalem, qu'ils ont exporté à Antioche. Ils n'ont rien inventé à Antioche. Ils ont reproduit ce qu'ils avaient acquis à Jérusalem. Et étant arrivés à Antioche, c'était la première fois que des païens autour d'eux, et même des juifs, voyaient, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Et c'est en ce moment-là qu'ils les ont appelés chrétiens, à cause du témoignage collectif. Ils ne sont pas arrivés à Antioche tous ensemble parce qu'ils étaient persécutés. Ils sont arrivés un à un, peut-être, ou famille par famille. Il y en a qui sont arrivés, qui venaient de Chypre. Il y en a qui venaient directement de Jérusalem. Il y en a qui venaient des contrées de la Samarie, de la Judée, etc. Mais famille par famille, tête par tête, chaque famille rendant témoignage, chacun rendant témoignage. Et quand ils se sont retrouvés ensemble, ils ont rendu un témoignage collectif. Non pas avec leur sagesse, non pas avec le bonhomme intérieur, mais avec ce qu'ils ont appris ensemble à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y avait la sagesse de Dieu. La sagesse conciliante, la sagesse qui tient compte des autres, la sagesse qui assemble les frères ensemble, la sagesse qui vient de l'amour. Parce que sans amour, on ne peut pas avoir une sagesse conciliante. C'est ça qu'ils ont appris à Jérusalem et c'est ça qu'ils ont reproduit à Antioche. Et nous aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant qu'héritier de ces messages de la collectivité dont parlait Philippe, et du témoignage individuel, nous sommes appelés, soit que nous soyons quelque part individuellement, à reproduire la même chose que nous apprenons ensemble, ou que nous soyons ensemble quelque part, à reproduire la même chose que nous avons appris ensemble, si nous voulons être un témoignage collectif. Ça fait du sens à vos oreilles? C'est bon. Pourquoi? Parce que Paul enseigne dans la première épître aux Corinthiens, puisque nous parlons de la prédication de l'Évangile. Il enseigne que la prédication de l'Évangile est une puissance de Dieu. Et puissance et sagesse de Dieu. Pas la puissance seulement. La puissance et la sagesse. Pas pour tous, pour ceux qui croient, pour ceux qui sont sauvés. Il enseigne aussi dans le même épître que l'Évangile, il le compare à un doux parfum. Le parfum de Dieu, le parfum agréable à Dieu. Qu'il répand partout où il passe. C'est-à-dire le témoignage. Non pas seulement le témoignage, la prédication et le témoignage. Partout où il passe, pour les uns, une odeur de vie, et pour les autres, une odeur de mort. Il parle un peu comme, je vais pas être long là-dessus, mais un peu si vous regardez dans l'histoire des Romains à l'époque, ils avaient... Et quand un général revenait victorieux de la guerre chez les Romains, il entrait à Rome avec une très grande escorte. Et dans l'escorte, il y avait premièrement à la tête de l'escorte, il y avait les dignitaires de la société civile, que ce soit les sénateurs, les juges, etc. Ensuite, il y avait dans une deuxième escorte, il y avait un cortège qui répandait des parfums. Et le parfum était fait exprès pour déposer une odeur sucrée dans la gorge. Et après les parfums, il y avait dans cette escorte les prisonniers de guerre, destinés à la mort. Après les prisonniers de guerre, il y avait des soldats, après, etc., le général qui revenait en dernier lieu. Et autour, il y avait le peuple qui était assemblé, qui applaudissait. C'est un peu dans cette image-là. Imaginez les prisonniers de guerre dans la troisième ligne de l'escorte, qui ressentent l'odeur des parfums. Le parfum, il est très bon pour les Romains. Ils sont très contents, c'est la victoire, ils se réjouissent tous ensemble. Mais pour les prisonniers, en Jésus-Christ, ce sont ceux qui refusent d'entendre l'Évangile. Pour eux, ce parfum-là, bien qu'il soit bon, était une odeur de mort. Pourquoi, quand tu étais fait prisonnier romain, si ce n'était pas la mort, c'était l'esclavage. Donc, nous aussi, quand je pensais à cette image-là, un peu, je pensais à Michel. Quand Michel prêche à Saint-Denis, par exemple, c'est tellement qu'il a des gens là-bas. Quand ils le voient, ils sentent à lui une odeur de mort, et peut-être d'autres une odeur de vie. Ça arrive souvent sur le campus. Tu parles avec plusieurs personnes dans la journée. Ça se peut que c'est la deuxième, la troisième, la quatrième fois que tu rencontres le même étudiant, que tu l'approches. Il te repousse de loin. Il dit, non, je veux rien, tu m'as déjà parlé de ça. Je dis, ok, excuse-moi. Pour lui, c'est une odeur de mort. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une odeur de vie. Et la question que je posais par rapport à ça, c'est Pourquoi il est nécessaire d'avoir ce témoignage conciliant pour la prédication de l'Évangile? Parce que la sagesse de Dieu est diversifiée. Si vous lisez le début de l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, Paul leur rend un grand témoignage. Il dit qu'il remercie Dieu pour la grâce qu'il leur est faite. Il leur dit même qu'ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils ont un bon témoignage pour Jésus-Christ. Ils ont tous les dons dont ils ont besoin. Mais quelques versets plus loin, il va leur dire qu'ils sont divisés. Tel est de Paulos, l'autre est de je ne sais pas qui. Donc le témoignage, c'est pas que les hommes sont parfaits. Le bon témoignage, c'est qu'ils marchent d'un même pas. Exactement d'un même pas. Un même pas, ça veut dire quoi? Dans l'église de Corinthe. L'exemple, c'est quand vient le temps de reprendre un homme qui a commis un péché que vous connaissez très bien, ils le font ensemble. Quand vient le temps de pardonner et de les réintégrer, ils le font ensemble. Ils consultent l'apôtre avant de l'exclure et ils consultent l'apôtre avant de le réintégrer. Ils sont conciliants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ils sont divisés. Et Paul dit qu'ils font sa joie, non pas à cause de ce qu'ils sont, indépendamment de ce qu'ils sont, mais à cause de la grâce de Dieu. Peu importe qui ils sont, mais à cause de la grâce, ils font sa joie. Mais, ils marchent d'un même pas. Donc, les témoignages conciliants, c'est les témoignages collectifs. Je l'ai appelé comme ça, juste pour ne pas répéter l'enseignement de Philippe, parce qu'on parle de collectivité. Donc, le témoignage conciliant, c'est en effet, non pas nécessairement qu'on est tous parfaits, mais qu'on marche au même pas. C'est bon? Et j'ai hâte de finir. Et en quelques mots de la fin, parce que c'est le dixième principe et c'est le dernier. On en a parlé il y a eu 10 enseignements cet été là-dessus et on a appris des choses. Il y a des exemples souvent dans la Bible, quand on lit souvent ça me fait sursauter, comme Hérode avant de couper la tête de Jean-Baptiste. C'est écrit qu'il le considérait comme un prophète. Il aimait l'écouter. Il a pris avec lui juste pour l'écouter. Ce qu'il aimait écouter, c'est la parole de Dieu. Le truc, c'est pas de l'aimer l'écouter. C'est qu'est-ce que je fais avec? Parce qu'après l'avoir écouté, quand est venu le moment de prendre la décision, il a pris une très mauvaise décision. En Samarie aussi, il y a un homme qui s'appelle Simon. C'est un magicien. Il s'est attaché à Jacques. Absolument, ça tient à Jacques. Jacques lui a prêché l'évangile, il a cru, s'est fait baptiser. S'est attaché à Jacques, c'est ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il ne se séparait plus de lui. Parce qu'il aimait écouter Jacques. Il aimait voir des miracles. Mais, le problème, c'est que dans son cœur, il y avait encore quelque chose d'inaccessible à l'Église, quelque chose qui est non confessé, non conciliante. Et quand est venu le temps que cette chose soit manifestée, elle a aussi été manifestée. Donc, on a eu des enseignements cet été merveilleux. Et le problème, c'est pas d'être merveilleux. C'est pas qu'on aime les écouter, on aime les entendre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que ce qu'on fait avec, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, c'est des vanités, les choses qui sont écrites. Et elles sont très bien écrites, mais c'est juste la vanité. C'est l'engagement qui vient avec. Et cet engagement, c'est par rapport à l'évangile de ce matin, c'est de marcher ensemble. Ensemble, comme dans l'église de Corinthe, comme dans l'église d'Antioche. L'église de Corinthe, d'Antioche, pardon, c'était des gens persécutés, aguerris à la persécution. À Corinthe, c'est des gens qui vivent aussi des épreuves difficiles. Mais l'Esprit de Dieu leur fait comprendre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que Jésus lui-même, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire qu'il est devenu un exemple à suivre, parfait, par les choses qu'il a souffertes. Et que nous aussi, puisqu'il est écrit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, nous sommes appelés à apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons, soit individuellement, soit collectivement. Et en conclusion, je voulais juste rappeler quelques points que je voulais absolument rester marqués quelque part dans l'agenda ou dans les têtes ou dans les cœurs. C'est, si chacun de nous ici est un disciple de Jésus-Christ, j'hésite à vous tutoyer, mais je voulais vraiment dire, si tu es un disciple de Jésus-Christ, n'importe qui de nous ici, et que tu as véritablement connu cette délivrance de l'évangile de Marc, le démoniaque qui a été libéré de la Légion. Si tu as vraiment connu cette délivrance et que tu es encore libre, libéré du péché, il faut savoir que tu es envoyé de Dieu pour témoigner individuellement de ce que Dieu a fait pour toi dans la vie. Ça ne sert à rien de... Dieu ne peut pas garder Dieu prisonnier dans nos coffres à la maison. Ça ne se fait pas. Il faut aller témoigner et raconter qu'est-ce que Dieu a vraiment fait pour moi dans la vie. Et s'il n'a pas fait quelque chose pour toi dans la vie, il faut s'examiner pour savoir est-ce que je suis vraiment dans la foi. Et le deuxième point important, c'est si nous sommes une église de Dieu, comme à Antioche, ou comme à Corinthe, pardon, ou comme l'église de Corinthe, et que nous sommes participants du ministère de Dieu, de proclamer son évangile par un témoignage collectif, et de manifester à travers nous notre conduite, notre attitude, nos projets, nos pensées, notre façon de parler, sa sagesse, dont il est écrit que les esprits voient en nous. La sagesse, je disais tout à l'heure qu'il ne peut pas être là s'il n'y a pas l'amour des frères, l'amour de Dieu. Il faut vraiment que nous soyons conciliants dans tout ce que nous entreprenons. Les uns les autres, tous ensemble. C'est bon? Amen.